Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, j'espère que tout va bien, et aujourd'hui, commençons l'émission avec Johann Nepomuk Hummel, né en 1778, mort en 1837, connu longtemps surtout pour son concerto pour trompette, et pourtant, Hummel a composé dans tous les genres, l'opéra, sauf la symphonie, mais le concerto, et bon, donc un compositeur extrêmement prolifique. Il était né à Presbourg, et ce fut un enfant prodige, excellent pianiste. Il s'est produit très très tôt en public, et dès 1788, il a tout juste 10 ans, donc il entreprend une tournée de concerts en compagnie de son père, un petit peu d'ailleurs comme l'avait fait Mozart avec son père Léopold. Ils se sont rendus bien sûr à travers l'Allemagne, ils ont sillonné l'Allemagne, et puis ils se sont rendus en Angleterre, en Hollande, et c'est à Londres, en 1795, que le jeune musicien rencontra Joseph Haydn, qui l'encouragea très chaleureusement et a peut-être d'ailleurs favorisé, entre guillemets, sa carrière. Auparavant, il faut préciser que, puisque je parlais de Mozart, que Hummel avait pris des leçons avec Mozart, qui l'hébergeait gratuitement et lui donnait des leçons gratuitement. C'est dire l'intérêt qu'il portait à ce jeune musicien, ce jeune prodige. Et puis, par la suite, il a rencontré les autres grands compositeurs de son temps, notamment Beethoven, et puis Chopin, qui l'a probablement beaucoup influencé. On l'entend d'ailleurs dans ses concertos pour piano. Allez, on écoute le final du concerto pour trompette. C'est un rondo. C'est joué à la trompette par Jeffrey Segal. L'orchestre de la Tonale de Zurich est dirigé par David Zinman. Thank you. Finale du concerto pour trompette de Hummel avec Jeffrey Segal à la trompette et l'orchestre de la Tonale de Zurich, direction David Zinman. On retrouve encore Hummel parce que c'est un compositeur que j'aime beaucoup, que j'ai envie de défendre. Hummel, comme je le disais, qui a composé plusieurs concertos pour piano qui ont peut-être, on peut le penser, influencé le jeune Frédéric Chopin qu'il avait rencontré à Varsovie. Le deuxième concerto que l'on va écouter maintenant est un concerto qui a été composé en 1816, publié à Vienne en 1821. Très très habile dans la conception de l'ouvrage parce que l'orchestre, eh bien, a un grand développement au début de l'œuvre, un petit peu comme dans le troisième concerto pour piano de Beethoven que sans doute Hummel connaissait. Donc une large introduction orchestrale avant l'apparition du piano. Il y a une partie soliste extrêmement brillante, extrêmement difficile. Voici le début du concerto numéro 2 de Hummel avec au piano Ai Wong Chang et l'orchestre de chambre de Budapest est dirigé par Tamás Pál. Thank you. Voilà, c'était le début du deuxième concerto pour piano en la mineur opus 85 de Johann Nepomuk Hummel avec Ae von Chang au piano et l'orchestre de chambre de Budapest, direction Tamás Pál. Et comme je le disais, donc Hummel a été l'élève de Mozart. Alors Mozart le voilà avec l'une de ses pièces les plus célèbres pour piano, c'est le rondo à la Turca qui conclut la sonate Köchel 331. Pourquoi turc? Eh bien parce qu'à l'époque de Mozart, l'Empire ottoman était un sujet de fascination et de répulsion. On avait très très peur des Turcs, qui d'ailleurs s'étaient approchés de Vienne, avaient fait le siège de Vienne. Et puis en même temps, il y avait une mode dans l'habillement des turqueries, en quelque sorte, comme on l'appelait à l'époque. Et cette mode turque, on la retrouve également en musique, avec différentes œuvres de Mozart, mais pas que Mozart d'ailleurs. L'enlèvement au sérail, bien sûr, le cinquième concerto pour violon, où il y a un motif un peu turc, et puis ce rondo de la sonate Köchel 331 que je vous propose d'écouter, joué par Christophe Eschenbach. Thank you. Le final, rondo à la turca de la sonate Köchel 331 de Mozart, joué par Christophe Eschenbach. Édouard Lalo, c'est un compositeur français, né en 1823, mort en 1902. Compositeur majeur, parce qu'il s'est beaucoup intéressé au répertoire chambriste, alors qu'à l'époque de son vivant, c'était plutôt l'apanage des compositeurs germaniques. Et il est l'auteur d'une symphonie espagnole qui rappelle ses origines espagnoles, symphonie concertante magnifique. Eh bien, ce matin, on va écouter une œuvre beaucoup moins connue que la symphonie espagnole, c'est guitare. D'ailleurs, c'est un arrangement. Arrangement, donc, pour violon et orchestre de cette pièce que l'on va écouter, joué au violon par Chantal Juillet. L'Orchestre symphonique de Montréal était dirigé par Charles Dutoit. Guitare d'Édouard Lalo, joué au violon par Chantal Juillet, l'Orchestre symphonique de Montréal était dirigé par Charles Dutoit. On part en Angleterre au XVIe siècle à la rencontre de John Dowland et l'une de ses plus belles chansons, je trouve, compositeur peu connu, il est vrai, mais qui a laissé des choses assez admirables dans le domaine de la voix. Alors voici Come Again Swift's Love, chanté par Daniel Denise, soprano, et The English Concert est dirigé par Harry Bickett. Come again, sweet love. Ah, la belle voix de Danielle Denise, soprano, qui chantait Come Again Sweet Love, une chanson de Joan Doland. The English Concert était dirigé par Harry Bickett. Et on retrouve notre cycle des sonates pour piano de Beethoven, aujourd'hui la sonate Waldstein, la 21e, profondément originale, sans doute l'une des œuvres les plus intéressantes, les plus passionnantes, les plus novatrices de Beethoven, composée simultanément avec la symphonie numéro 3 héroïque, qui elle aussi, eh bien, dépasse les conventions et dépasse ce qu'on connaissait à l'époque. Et c'est une sonate évidemment particulièrement difficile, tous les grands pianistes l'ont enregistrée. Elle a parfois été sous-titrée Aurore en France, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a qu'en France en plus. Mais en fait elle s'appelle Waldstein parce qu'elle est dédicacée au comte Waldstein qui avait aidé Beethoven dès ses débuts et un mécène en quelque sorte du compositeur. Alors voici le premier mouvement joué par Stefan Kovacevich, c'est un allegro con brio. Thank you. le premier mouvement de la sonate numéro 21, Waldstein de Beethoven, joué par Stefan Kovacevich. Eh bien, ça n'a échappé à personne que c'est le printemps. Donc, on va écouter l'œuvre la plus symbolique qui illustre merveilleusement cette saison. C'est le printemps vivaldien, bien évidemment. Une version que j'adore, réalisée dans les années 70, au tout début des années 70, avec Neville Mariner, sur instrument moderne, mais avec une esthétique déjà baroquisante, telle qu'on la connaîtra plus tard avec Arnoncourt et d'autres. Et puis, il y a des rajouts, des parties d'orgue. Bon, ça peut déplaire aux puristes, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Allez, voici le printemps des quatre saisons de Vivaldi, joué par l'Academy of St. Martin in the Field, avec Alan Loveday, quel joli nom, au violon. Voilà, le printemps vivaldien, évidemment reconnaissable parce que tellement connu, et joué par l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigé par Sir Neville Mariner, avec Alan Loveday au violon. Et on continue avec Michel Legrand. Bah oui, Michel Legrand, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait dans une émission de consacrée à la musique classique, lui-même se considérer comme un classique. Michel Legrand, auteur de compositeur de nombreuses musiques de films, l'affaire Thomas Crown, Un été 42, et puis les comédies musicales, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, évidemment, des œuvres très très connues, des films très connus. Et il avait eu l'originalité de diriger le Requiem de Forêt, de l'enregistrer même. Et je me souviens que lors d'une émission célèbre sur une autre radio où on écoute en aveugle les œuvres, eh bien, curieusement, les spécialistes avaient choisi, sans le savoir, comme version de référence pour ce Requiem de Forêt, la version enregistrée par Michel Legrand. Eh oui, donc ça a dû lui faire beaucoup, vraiment plaisir, cette distinction de la part de la presse spécialisée et des journalistes musicaux spécialisés, parce qu'il souffrait beaucoup, comme beaucoup de compositeurs de musique de film, d'être un peu d'une certaine condescendance de la part de ce milieu. Allez, on écoute une chanson de Michel Legrand, Paris Violon, chantée par Nathalie Dessay et accompagnée au piano par Michel Legrand. Escarpe à l'heure où le jour se fait vieux, s'offrent des musiques à plier boutique, des musiques à fermer les yeux. Les rues se changent en jardins, les marronniers en musiciens, Paris Verlaine au son. Ce soir se fait violon, Paris violon, Paris violoncelle, Paris garçon, Paris jouvencelle, j'ai ta chanson au cœur qui chancelle comme un ballon. Donne son nom au bord de la Seine. La, la, la, la, Paris violoncelle, la, la, la, la, Paris jouvencelle, au cœur qui chancelle sur les violons, les violons. Paris Violon, chanson de Michel Legrand, chantée par Nathalie Dessay, avec au piano Michel Legrand, donc qui l'accompagnait. Camille Saint-Saëns, alors lui, c'est un compositeur qui est né en 1835, mort en 1921. Il a vécu donc 86 ans, c'est pas exceptionnel finalement, mais il a vécu les plus grands bouleversements peut-être de l'histoire de la musique, puisque quand il est né, eh bien Chopin était encore en vie, et quand il est mort, eh bien il y avait les premières compositions, enfin les compositions de l'école de Vienne avaient déjà été écrites. Il y avait eu la création du Sacre du Printemps, enfin bref, les compositions de Poulenc, etc. Donc une période particulièrement riche, que celle qui va de 1835 à 1921, et d'ailleurs pas qu'en musique, parce que la littérature également a vu une évolution extraordinaire, puisque quand il est né, eh bien Balzac écrivait Lys dans la vallée, et quand il est mort, André Gide publiait ses livres. Voilà, donc Camille Saint-Saëns, qui a vécu donc tous ces bouleversements, avec plus ou moins d'enthousiasme, hein. Mais enfin, il faut pas oublier que quand il était jeune, il a tout de suite apprécié beaucoup les compositeurs novateurs de son époque, par exemple Berlioz, et même Wagner. Et puis Tchaïkovski, avec qui il avait un lien très fort. On va écouter une pièce pour violoncelle et orchestre de Camille Saint-Saëns, son Allegro Appassionato, créé en 1874 à la Société Nationale de Musique, dont la devise était Ars Gallica, un art proprement purement français. Voilà, purement français, donc dégagé des influences évidemment germaniques. Il venait d'y avoir la guerre de 70 qui avait... susciter une germanophobie particulièrement importante, notamment chez les musiciens. Et donc, cette Société Nationale de Musique se voulait, voulait promouvoir la jeune musique française. On écoute cet Allegro Appassionato, joué au violoncelle par Micha Maïski, et l'Orpheus Chamber Orchestra l'accompagne. Allegro Appassionato pour violoncelle et orchestre avec Micha Maïski au violoncelle et l'Orpheus Chamber Orchestra. J'ai oublié de préciser que c'était une œuvre de Camille Saint-Saëns. Et voici Antonín Dvořák maintenant. Dvořák, compositeur tchèque, on l'aime beaucoup pour sa symphonie du Nouveau Monde, son concerto pour violoncelle, son concerto pour violon qui s'impose de plus en plus parce que c'est vraiment une œuvre magnifique qui était relativement peu jouée ces dernières décennies et de plus en plus de jeunes violonistes qui le jouent. Le concerto pour piano reste un peu plus dans l'ombre parce que c'est une œuvre longue et difficile, qui parfois peut paraître un peu décousu. Et puis c'est donc toutes ces symphonies, ces 9 symphonies, et puis ces danses slaves inspirées des danses hongroises de Johannes Brahms, que Dvorak avait particulièrement aimé, des pièces qui ont tout d'abord été composées pour piano à 4 mains, et puis ensuite Dvorak les a orchestrées, contrairement à Brahms qui n'a orchestré que quelques danses hongroises, lui il les a toutes orchestrées lui-même. Allez, voici la troisième danse slave d'Antonín Dvorak avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Sir Simon Rattle. Thank you. troisième danse slave d'Antonin Dvorak avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Sir Simon Rattle. Et on termine l'émission avec la valse des fleurs du Casse-Noisette de Tchaïkovski avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Herbert von Karajan. c'était la valse des fleurs du Casse-Noisette de Tchaïkovski, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Herbert von Karajan. Et bien voilà, c'est terminé pour ce matin. On se retrouve demain dimanche à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Passez un bon samedi et à demain.